Si tu viens avec moi, je te prendrai par le nez. Oui, j'aime ça les nez, ça me fait penser à Britney. Britney, Britney, a tellement une jolie nez. Britney, Britney, j'ai le goût de manger son nez. Britney, Britney, a tellement une jolie nez. Britney, Britney, j'ai le goût de manger son nez. Et si jamais j'avale ton nez, tu pourras sentir mon estomac. Oui, j'aime ça, avaler, avaler le nez de...